allez, allez. C'est vrai, la comtesse pousse d'un moison sans flamme. Au comte, la fera un choc. Du comte, les gens déjà se moquent. C'est le lance, soupçonne un chant, frissonne. Dame, dame, dame. Les femmes compariront au diable. Dame, dame, dame. Serafimo, l'ilzio è perfetto a chi entri sì. Fate dam se votre pussi tendre. Savez-vous que le public raffole de ces choses-là? Ma douce, je pars pour Londres et j'entends vous confier au bon soin de la nouvelle bonne. Ça me ferait plaisir de prendre la parole avec moi. Les vieux fous, il s'en va. C'est la comtesse de Cherbourg. J'ai été invité dans son salon, vous savez. Ah. Ça ne nous serait jamais arrivé si on était resté chiffonnier. Mitraille de métal. Reprendre en apparence, ne souffle mot, mesdames, et faites son absence. N'ai-je pas précisé que la loge numéro 5 devait m'être réservée? C'est lui, le fantôme de l'opéra. C'est lui. Ton personnage est muet, le crapaud. Un crapaud, madame. Peut-être est-ce vous, le crapaud. Mais pourquoi tu m'en mets plein partout à chaque fois, hein? Oh, mi scusi tutti. Maestro, da capo, per favore. Sarà vivo, riprendo una parlanza. Ne souffle mo. Metà pese fa. Elle a perdu la voix. Mesdames et messieurs, nous nous excusons. La représentation continuera dans 10 minutes environ et le rôle de la comtesse sera joué par mademoiselle Daé. Merci. Allez, allez, dépêchez, allez. Nous comptons sur votre indulgence encore quelques instants. Mais tout de suite, nous souhaitons vous présenter le ballet de l'acte 3 de notre opéra. Quoi? Maestro, le ballet, on l'avance, je vous prie. Le ballet. Le ballet, monsieur, tout de suite, je vous prie. Oui, la page 180. Oui, merci. Merci. Merci. Raoul, nous sommes en danger ici. Mesdames et messieurs, je vous en prie, restez assis. Pas de panique, c'est simplement un accident.